Caprice de lecture sur Fadjet, animé par Sarah. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons nous envoler dans le ciel lorrain, puisque je reçois Christophe Puiseux. Bonjour Christophe. Bonjour Sarah. Je suis ravie de te recevoir aujourd'hui, donc pour le dernier né de tes livres, Christian Munch, homme de valeur et pilote d'exception. Tu n'es pas le seul auteur, je vais dire, puisqu'il y a également Vincent Puiseux avec la collaboration de Dominique Lorenz. Cette très belle biographie est sortie le 12 octobre 2025 aux éditions Bookmundo. C'est ça. Alors, Christophe, comme tous les invités de Caprice de lecture, tu vas être soumis à un feu de questions incroyables. Bah, je suis prêt. Tu es prêt? Je sens que tu es prêt. Nous allons parler de Christian Munch, nous allons également parler d'autres faits très étonnant que moi je ne connaissais pas et ça m'a permis de connaître en l'occurrence Alza, la levure Alza, voilà. Pourtant c'est connu. Hein. Pourtant c'est connu mais l'historique moi je ne le connaissais pas donc j'aimerais bien qu'on en parle aussi. Et puis pour terminer l'émission, tu nous feras part de ton caprice de lecture et puis de ton actualité littéraire ou moins littéraire. D'accord. Est-ce que tu es prêt? Je suis prêt et je te remercie beaucoup de m'avoir invité. Ah, je t'en prie. Très plaisir. C'est très agréable de pouvoir discuter justement donc de cette figure emblématique, Christian Munch, de notre région. Alors justement, vous êtes enseignant, tu es enseignant en histoire, journaliste. Un petit peu. Oui. Un petit peu. Passionné d'aviation. Pas du tout. Arrête, tu me fais marcher. Non, je ne te fais pas marcher du tout. Ça va être une sorte de surprise et c'est un immense avantage, en fait. Parce que quand on lit et quand on voit ce que tu peux publier sur les réseaux, etc., on se dit, mais en fait, il est passionné d'aviation. Ben non. Tu ne l'es pas. Ça sera plein de surprises aujourd'hui, cette interview. Ah, ça, j'aime. Alors, bien. Il faut que j'explique quand même, parce que je connais pas mal de passionnés. Oui. Donc j'ai quelques bases hein, quand même, on va être honnête. Mais un passionné, très souvent, connaît plein de choses. Et lorsqu'il explique à des auditeurs, à des lecteurs, eh ben, il va aller dans l'hyper détail. Et en trois phrases, il va larguer complètement. Quand il explique à des novices, c'est pas possible. Voilà, il d'accord. considère que celui qui est en face de lui en sait autant que lui. Donc moi, ça me sert à rien de connaître. Donc effectivement, toi, ça te sert. Alors, est-ce que tu as le recul nécessaire pour expliquer? Oui, alors moi, j'ai fait la démarche. D'essayer de comprendre, d'aller chercher les renseignements. Et donc, bah, j'emmène le lecteur avec moi. Je ne suis pas passionné, je suis spécialiste. Bien. C'est une grande différence. Alors justement, pourquoi avoir choisi Christian Munch comme sujet de ton livre? Parce que tu aurais pu choisir n'importe quel aviateur, qu'il soit lorrain ou pas. Il y a très grandes figures emblématiques de l'aviation. Absolument. Pourquoi Christian Munch? Déjà, est-ce qu'on dit bien Munch? A priori, on dit bien bon, Munch. D'accord. Oui, on dit bien Munch. Pas de bêtises. En fait, c'est une belle histoire. C'est une belle histoire d'amitié. C'est une histoire fraternelle aussi. Ouais. Parce que tout a commencé il y a quelques années avec mon frère qui a un petit site internet qui s'appelle planon.com. Okay. Et lui, il vit en Alsace aujourd'hui et il était pilote à Malzéville. Oui. Et il adore le site. Il me dit, tiens, j'ai un petit site internet. Donc je lui dis, d'accord, pour faire tourner la boutique, on va faire un article. Ouais. De quoi on va parler? C'est ça le problème. Alors lui, il voulait parler du vieux hangar de Malzéville. C'est un petit détail qui est important. Et je lui dis, mais tu te souviens, dans ce vieux hangar, il y avait une stèle énorme de Christian Munch, qu'on a connue il y a 30 ans, hein, quand ouais. même. Hein. Et la différence avec il y a 30 ans, c'est qu'aujourd'hui, il y a Internet. Donc on a commencé à taper Christian Munch sur ouais. Google. Bah oui, comme 100% des gens qui cherchent des trucs. Des bah oui. On a mis une recherche par image, et là, on est tombé sur un truc faramineux, tout simplement. Et ensuite, par différentes personnes que je connais, j'ai été mis en relation avec d'anciens membres de l'association Christian oui. Munch qui m'ont okay. dit, mais réécris l'histoire. Il y a des choses qu'on ne sait pas, il y a des choses qui ont été mal faites, réécris l'histoire. Et c'est comme ça que ça a commencé. Parce que ce qui est vraiment dommage, c'est que alors, Christian Munch, allez, voilà, dans l'imaginaire collectif ou la mémoire collective, on sait vaguement que c'était un aviateur. D'accord ? Je ne suis même pas sûr. Je ne suis même pas sûr que les gens... Il n'y a pas beaucoup de noms de rue qui s'appellent Christian Munch non plus. Ben, à Nancy, il y en a trois. Voilà, dont deux impasses. Bon, ok. Et en fait, on se dit, mais c'est qui ce gars-là? Et en fait, le fait de ne pas savoir quand on est des novices complets comme moi, on se sent obligé d'ouvrir le livre quand même. On dit, mais en plus, on voit que sa durée de vie est quand même relativement courte. Mais tant mieux, hein, voilà. T'as envie d'ouvrir le livre, moi ça me fait mais, plaisir. Du coup, on se dit, mais pourquoi lui? Donc là, j'ai ma réponse. Alors justement, je disais en introduction, Christian Munch, mais pas que, l'aviateur, l'intrépide, j'ai envie de quand dire, même. L'intrépide. Oui, des fois un peu trop même. Mais... Moi, j'ai trouvé, au fur et à mesure des pages, j'ai trouvé que c'était quand même quelqu'un d'assez... alors, modeste, c'est pas le terme, humble. Je trouvais quand même, il est quand même entouré d'une certaine humilité, il fait des choses comme ça, il est issu d'une famille qui est loin d'être pauvre, qui n'est pas richissime, mais qui est quand même loin d'être pauvre. Je pense qu'ils étaient très très à l'aise quand même. Voilà, mais je trouve qu'il a gardé cette part d'humanité ou d'humilité qui permet peut-être de ne pas prendre trop la grosse tête. C'est une question qu'on s'est posée, parce qu'on n'a pas tellement d'éléments par rapport à ça, mais effectivement, sur certaines de ses actions qu'il a eues en tant que président de l'Aéroclub de l'Est, parce qu'il était président de 1934 à sa mort, on sent que voilà, c'est un authentique passionné. Voilà, il serait ou il se laisserait aller à beaucoup d'humilité, à beaucoup d'entraide. Moi, c'est ce que j'ai ressenti dans le livre. Alors justement, Christian Munch, mais pas que, parce que qui dit Christian Munch dit la levure Alza. C'est ce que je disais en introduction. Alors, moi, j'apprends, mais alors vraiment, d'ailleurs, j'ai même été sur le site internet de Alza pour voir un peu, il y a une petite introduction avec... Oui, qui, à mon avis, n'est pas tout à fait juste. Un peu édulcoré, voilà. Bon. Bah oui, pour la levure. Alors, j'apprends de ces pages que Christian Munch est également le fils du créateur de la levure Alza. Tout à fait. D'accord. C'est Ingré Avricourt. Au départ, la famille... Igné Avricourt, c'est moi qui ai très très mal écrit. Enfin, en réalité, non, c'est plutôt Deutsch Avricourt. C'est de l'autre côté de la frontière. Voilà, parce que c'est un village coupé en deux. Ce qu'on appelle village frontière à l'époque. Oui, très très frontière. Voilà, où avec toutes les difficultés liées justement donc aux différentes guerres, et puis ben un coup c'est allemand, un coup c'est français, et donc la famille est basée là-bas. Oui, parce que le père lui est né en Alsace après 1875. Enfin, il est né en 1875, mais ça correspond à une date qui est postérieure à la possibilité d'opter pour la nationalité française. Ok. Et donc il est alsacien-allemand. Enfin, il est allemand-alsacien, plus exactement. Et bon, il a un parcours professionnel qui l'amène à développer les levures. Il est en contact avec ses procédés chimiques et il va monter son entreprise à Deutsch Avricourt. Et la maison existe toujours, d'ailleurs, et elle est à quelques mètres de la frontière. C'est la question que j'allais te poser. Est-ce que la maison existe toujours ? Oui, la maison existe toujours, bien sûr. Et j'ai retrouvé l'adresse parce que j'ai un ami qui est spécialiste d'Avricourt, donc ça tombait bien. Je lui ai dit, tu peux me retrouver. Ouais. Il y a beaucoup d'histoires d'amitié dans tout ça. Je trouve ça chouette. Ah, oui. Et d'ailleurs, en parlant de Christian, si j'ai bien tout suivi, Christian s'appelait Ernest. Oui, c'est son nom de baptême. Alors, mais il n'aimait pas son nom de baptême. Parce que tout le monde l'appelait Nénès. Oui. C'est très bien expliqué. Là, moi, j'ai beaucoup ri parce que je me dis, mais le pauvre, c'est vrai que Ernest, déjà, c'est un peu compliqué à dire ou c'est un peu long. Et du coup, tout le monde l'appelait Nénès. Et là, stop, c'est Christian et voilà. Alors, je vais te raconter une petite anecdote qui m'a fait beaucoup, beaucoup sourire. Je suis rentré en contact avec une partie de sa famille qui habite en Moselle. Oui. Et qui un personnage extrêmement sympathique qui s'appelle Daniel Munch. Ouais. Et Daniel Munch, qui est un peu connu dans le milieu aéronautique, et il me dit mais je vais transmettre ça à mon frère qui s'appelle Ernest. Et ça, j'ai trouvé ça extraordinaire. La boucle temporelle et familiale est bouclée. C'est une branche cousine. Et ça m'a fait beaucoup, beaucoup sourire. J'ai adoré. Et donc, il décide de changer de prénom parce que... C'est possible. Hein. Il le vit mal de se faire appeler Nénès tout le temps, quand même. Oui, mais je ne sais pas quelle date il change. Je pense que c'est à l'adolescence. Oui, voilà. Je pense que c'est que la famille l'appelle Nénès. Je pense que c'est peut-être pas dérangeant. C'est peut-être son surnom de toujours. Mais en classe, je pense. En classe, ça passe un peu moins. Alors... C'est quoi ce truc de la levure Alza, un aviateur dans la levure Alza ? Moi, je me suis dit, est-ce que c'est grâce à la levure que Christian a pu accéder librement à sa passion ? Ou est-ce que c'est grâce à sa passion que la levure Alza a pu traverser le monde ? Alors, je pense que c'est plutôt la levure qui lui permet... Voilà. Parce que y a deux choses qui vont jouer. La première, c'est que lui... forcément, avec les biens de la famille, la fortune de la famille, il peut avoir accès à des cours d'aviation. Ce qu'il va faire, il va aller au Crotoy pour passer son brevet de pilote. Et puis, il paraît qu'il va même vendre, je ne sais pas comment il l'a eu, vendre une des camionnettes de l'entreprise pour pouvoir financer l'achat de son premier avion. Ça n'a pas dû plaire à son père. Mais en même temps, son père est un extraordinaire commercial. Oui. Donc, tout ce qui rapporte de l'image et de la publicité à l'entreprise... Moi, j'ai trouvé même, parce que le livre, il faut que, moi, je le précise aux auditeurs, ce n'est pas qu'une biographie écrite, il y a beaucoup d'illustrations, on peut vraiment se projeter en plus. Moi, j'ai trouvé ça hyper intéressant. Ah bah, j'ai voulu ça. Parce que quand on a, il y a l'explication et il y a l'image. Et les deux ensemble, bah, ça match super bien. Et on est vraiment immergé chez les Munch. Oui. Et quelquefois, quand il y a l'image, parce que ça, c'est mon travail d'historien, c'est pas simplement amateur de, eh ben, j'essaye toujours de faire une analyse. Quand il y a des œuvres d'art, par exemple, si c'est telle influence, c'est composé comme ça, et j'essaye vraiment de donner ça. On est au plus près de l'histoire. Bah, j'essaye. Et c'est comme les, on en parlera après la coupure musicale, c'est comme les cartes que tu as insérées donc, sur les différents trajets, les raids de Christian Munch. C'est incroyable. Là, on peut suivre et on peut même s'imaginer presque dans l'avion, les oreilles au vent, en se disant mais il a fait tout ça en tant de temps. Enfin, moi, je trouve ça donc vraiment merci, parce que quelquefois, qu'une biographie sans aucun élément d'illustration, je dirais, ça peut être un peu lourd à digérer, alors que là, ça reste très ludique, en fait. Et on a voulu que les illustrations soient à l'intérieur du texte et pas en page au milieu. Ou tout à la fin, en annexe, où il faut toujours un peu manœuvrer avec le livre. Alors, on va faire une première coupure musicale, Christophe, de ton choix. Oui. Un titre de Phil Collins, In the Air Tonight. Alors, pourquoi ce choix ? Alors, pour plein de choses. Déjà, parce que Phil Collins, je suis tombé dedans quand j'étais au collège, grâce à une professeure de musique qui était extraordinaire, qui nous faisait l'histoire du rock. Génial. Et pas de flûte à bec et tout et ça. On n'avait pas effectivement la flûte à bec avec Empire de la Lune. Voilà. Elle s'appelait Mademoiselle Faron et elle nous faisait l'histoire du rock et il fallait repérer les coupures, les différents styles, etc. Donc ça vous intéressait beaucoup plus que... Ah oui. J'étais au premier rang juste en face de l'enceinte et pendant une interro, c'était Genesis Mama. Donc Phil Collins à la batterie. Et c'est là que je suis tombé un peu dans la batterie parce que j'en ai fait un petit peu. Ouais. Hein, je suis batteur de salle de bain, si tu veux. Okay. Il y a des chanteurs de salle de bain, moi je suis batteur de salle de bain. Mais c'est ton petit truc à toi. C'est mon petit truc à moi. Et c'est le break iconique de batterie des années 80 qui fait rentrer vraiment la musique dans les années 80. Et t'aimes bien le réentendre. Ben pendant très très longtemps, je dis, tiens, on l'entend un peu souvent, puis je l'ai entendu récemment et je me dis, c'est extraordinaire, c'est un morceau extraordinaire. En plus, j'aime le personnage, le musicien, qui est quelqu'un de très britannique, humble, flegmatique, avec beaucoup d'humour. Et c'est vraiment un musicien extraordinaire. Eh bien super, on se retrouve juste après In the Air pour la deuxième partie d'émission. Oh, Lord. Caprice de lecture sur Fadjet. De retour dans le milieu de l'aviation avec Christian Munch, homme de valeur et pilote d'exception. Et j'ai la chance de recevoir aujourd'hui dans les studios Christophe Puiseux, un des auteurs de cette fantastique épopée sur 34 ans, une vie assez courte mais tellement intense et riche. Oui, et qui se termine tragiquement. Et qui se termine tragiquement. Alors justement, je trouve que la vie de Christian Munch est une épopée incroyable, alors déjà grâce à la fortune familiale et au contexte politique de l'époque. Christophe, oui, est-ce que tu... Pas se tromper, hein. Est-ce que tu penses que c'était un homme avant-gardiste ? Ah, j'en sais rien. Est-ce qu'il s'est laissé porter par la fortune et sa passion, ou est-ce qu'il était plutôt avant-gardiste ? Moi, j'avais l'impression de l'appeler l'homme sur le 220 volts. Il était toujours en action. Oui, j'ai failli appeler le livre Notre Mermoz oublié, parce qu'il a un petit côté Mermoz qui disparaît aussi à peu près au même âge, hein, ouais, et à la même époque. Mais c'est vrai qu'il se réveille, jeune homme, à Nancy, juste après la guerre, où Nancy-Malzéville a été une très grande base. C'est la première base de bombardement de l'histoire de l'aviation française. Et il y a toute une ambiance un petit peu, les pilotes. Il y a beaucoup de pilotes qui sont passés à Nancy, comme Guinemer, comme Ningesser, etc. Donc il y a une mythologie du pilote. Il les voit passer au-dessus de sa tête parce que les avions décollent de Malzéville, donc il les voit. Il a un copain, a priori, dans ses études, qui est passionné d'aviation. Il se lance là-dedans, et c'est vrai que la fortune familiale aide beaucoup parce que ça va lui permettre de financer les avions. Je me dis, est-ce qu'il a surfé justement sur cette vague ? Les aviateurs étaient des héros. Oui, alors dans l'histoire de l'aviation, j'ai l'habitude de dire qu'avant la Première Guerre mondiale, c'est des pilotes pionniers, donc ils essayent plein de choses. Et après la guerre, c'est des pilotes explorateurs. C'est là où on va faire les raids, la traversée de l'Atlantique, l'Atlantique Sud. Et lui, il veut quelque part un peu sa place là-dedans. Et comme l'Atlantique, ça a déjà été fait, il va regarder vers l'Asie. Et je trouve ça, je me dis, mais heureusement qu'il avait la fortune, il n'aurait jamais pu faire ça. Oui, et c'est pour ça que tous ses avions, il a une dizaine d'avions, ils sont tous estampillés, parce que c'est... Alors, son père, je ne sais pas, en tout cas c'est son frère qui, lui, est directeur adjoint de l'entreprise, et ça fait une marque publicitaire, c'est bien aussi pour le constructeur de l'avion. Oui, parce qu'il avait, si je ne me trompe pas, il avait floqué les avions avec la levure Alza, tout ça, donc ça traversait le monde entier, et voilà. Et quand il revient de Madagascar, la première fois en 1931, l'entreprise commercialise un jeu. On part à la découverte du monde sous les ailes de Fox Alap, l'immatriculation de l'avion, pardon, et Alza. C'est un avion qu'il garde pas longtemps d'ailleurs. Il s'en débarrasse, puis il en achète un autre plus performant. Il a su être malin, et puis c'est vrai, il faut quand même être honnête, je pense que la fortune familiale, ça aide beaucoup. Oui, il a un ami qui s'appelle André Bailly, qui pareil, vole sur les mêmes avions, vers les mêmes destinations, et c'est pareil, c'est un fils de famille fortuné de Nancy. Alors justement, on va parler un peu plus du livre. Tu as écrit ce livre avec ton frère. Oui. Et moi je me dis, mais il y a combien de temps de travail ? Tu vois, un matin, Christophe se lève et il dit « Oh là là, moi j'aimerais bien faire un livre sur Christian Munch. Vous avez fait un livre précédent en 2023. On aura l'occasion d'en reparler dans une émission prochaine. Volontiers. Et je me dis, voilà, Christophe, un matin, tu te lèves, tu dis, allez, voilà, tu nous as un peu expliqué le contexte, mais tu le fais avec ton frère. C'est combien de temps de travail, de recherche, de mise en page? Parce que quand on fait des recherches, on accumule un maximum d'infos, mais après, il faut écrémer. Il y a des infos qui te paraissaient peut-être très importantes, mais au regard de tout le reste, qui le sont peut-être moins ou n'ont pas leur place dans cet ouvrage. Comment ça se passe? C'est quoi la journée de Christophe Puiseux quand il décide d'écrire un livre avec son frère? Déjà, il va au travail. Bon. Non, mais bon, on va. C'est beaucoup plus complexe que ça, parce que, en fait, ce livre a été commencé il y a 6 ans. Okay. Mais j'ai eu une interruption de 3 ans pour écrire le deuxième livre qui est sorti en premier, en fait. D'accord. Et les recherches de l'un et de l'autre se sont nourries mutuellement. C'est en fait en cherchant pour celui-là, donc, qui est sorti il y a à peine quelques semaines, qui t'ont permis d'écrire le premier avant. Oui, parce que lorsqu'on a commencé les recherches, on est tombé sur un des co-auteurs du second livre qui s'appelle Jérôme Gross. Oui. Qui a été un peu foufou et puis qui nous a beaucoup fait rire parce qu'il a dit oh, j'ai plein de documents pour écrire un livre, vous le voulez? Ben, on a dit non, comme ça, et il nous a distillé des informations un peu étonnantes, un peu nouvelles, et puis j'ai rédigé un paragraphe, 2 pages, 10 pages, et puis on a fait un livre. Et puis on lui dit, mais t'as des choses sur Christian Munch? Alors il a commencé à nous donner des choses, et puis on a cherché un petit peu partout, et on a mis en pause Christian Munch. Pour écrire le deuxième. Pour écrire le deuxième qui est sorti en premier, voilà. Oui. Pour et les après, auditeurs, il faut que ce soit clair. Et après, on est revenu sur Christian Munch. Ouais. Et on a cherché, on a rédigé des choses. Et puis, de temps en temps, on tombe sur des découvertes étonnantes. Alors, on reprend les paragraphes en disant, mais là, on l'a déjà dit, c'est redondant. Ou alors, on se contredit, donc il faut tout reprendre. Vous travaillez toujours à 3 ou à 2 avec ton frère? Vous êtes toujours tous ensemble ou chacun fait une partie? Hors antenne, tu me disais tout à l'heure que ton frère s'occupe vraiment de la partie matérielle du livre. Oui, et l'expertise aéronautique, ça c'est voilà. Très, très important. Ça c'est important, mais du coup, voilà, comment on fait? Est-ce que tu es tout seul derrière ton bureau avec la rédaction des différents chapitres ou paragraphes, ou est-ce que tu fais relire à ton frère et à Dominique Lorenz, parce que là, il a collaboré à ce livre. Il a collaboré. Donc très souvent, ben, j'accumule des informations, j'écris, et puis je le renvoie. Ouais. Disant, ben, t'en penses quoi? Est-ce que c'est clair, déjà? Est-ce que je me contredis pas? Qu'est-ce que t'en penses? T'as toujours un œil extérieur qui relie, du coup. Oui, hein, c'est très utile parce que quand on a le nez dans le guidon, hein, bah on peut simplement se répéter. Hein, disant, bah oui, tiens, ça tu l'as déjà dit. Ça peut arriver. Est-ce qu'on peut vous appeler le trio infernal? Plutôt duo infernal que trio, parce que Dominique était un petit peu en marge. Ouais. Il nous a donné quelques idées et puis surtout il nous a donné beaucoup accès à l'iconographie. Okay. Donc lui, il avait l'autorisation de la fille de Christian Munch d'utiliser les images. D'accord. Elle est décédée aujourd'hui, ouais. Donc on l'a naturellement associée. Et il nous a donné aussi un regard sur un certain nombre de points... Parce que par son métier, il est en retraite aujourd'hui. Ouais. Il dit, tiens, il me faudrait chercher dans telle et telle direction. Peut-être qu'il y a des choses à trouver. Ok. Et avec ton frère? Vous travaillez toujours ensemble? C'est deux toujours? Ou c'est là peut-être une passion commune ou une envie commune de... Bah, c'est surtout une envie commune, une passion pour Malzéville. Et puis, lui, il est très, très patrimoine. Ouais. Je trouve ça chouette de travailler entre frères. Moi, je trouve ça super chouette. Vous êtes complémentaires quelque part? Donc lui, ça m'arrange bien parce que au niveau infographie... Moi, j'essayais de mettre un truc un petit peu romancé, il me dit « bah non, moi ça m'arrange en fait ». Oui, ça m'arrange parce qu'il a fait, par exemple, il a refait tous les monuments en 3 dimensions, etc. Ça, c'est son travail. Hein. Okay. Et ça, moi, je suis incapable de le faire. Et puis, de temps en temps, on a passé beaucoup de temps sur l'accident de Christian Munch en disant « mais par où il est passé? Où c'était? À quel moment ?» Ce qui n'avait jamais été fait. Donc on savait Vous êtes les pionniers, non pas de l'aviation, mais de l'accident de Christian Munch. En tout cas, des détails. Voilà. Les circonstances de cet accident. De toutes les circonstances, parce qu'on trouve différentes informations. Il y a eu une biographie il y a 25 ans de Christian Munch. Donc je trouvais ça très bien, parce qu'elle existe, elle ouvre des pistes, mais c'est des pistes que l'auteur n'a pas suivies. Ah. Et vous êtes reparti de là, du coup? Pas tout de suite, mais oui, en partie. D'accord. Parce que l'auteur, qui était médecin et pilote, s'est absolument pas interrogé sur les circonstances de l'accident, alors que c'est son premier chapitre de livre. Ouais, donc on a dommage. Dit, bon, on reprend ça à zéro, et on va voir si tout ce qui est dit est possible, et si on a trouvé. Il faut quand même avoir un esprit un peu fouineur, enquêteur. Complètement. Quoi. Voilà, mais ça doit être passionnant de trouver des choses différentes. Ou... C'est pas toujours facile. Il y a deux points qu'on n'a jamais réussi à explorer. Mais ça, ce qui est bien, c'est que c'est la science historique. Moi, je suis historien, donc ouais. Quelque part, j'ai une caution morale là-dessus. Mais le livre, c'est un moment T. Voilà. Voilà tout ce qu'on a aujourd'hui. Il y a des choses qu'on n'a pas trouvées, on l'indique. Simplement deux choses. Peut-être qu'un jour, quelqu'un trouvera le document. Trouvera le document nécessaire. Mais là, on a quand même bien essoré le sujet. Hein. Alors, on va faire une deuxième coupure musicale, cette fois-ci avec Dire Straits pour Money for Nothing. Christophe, dis-nous pourquoi, tiens, t'as choisi ça. Un petit peu pour la même raison que Phil Collins, parce que Mark Knopfler, c'est un grand musicien, c'est un très très grand musicien, qui dit qu'il est mauvais en plus, c'est dire s'il est humble. Oui. Hein, et pareil, c'est une icône des années 80. Et c'est ce qui me met de bonne humeur, quelque part, cette introduction de guitare, où tous les guitaristes ont essayé de la faire un jour ou l'autre, hein, qui est extraordinaire. Et pareil, le personnage est humble, il est sympathique, et c'est pareil, c'est des très grands musiciens. Très bien, et on revient juste après pour ton caprice de lecture et ton actualité. Look at that. Money for nothing. Caprice de lecture sur Fadjet. De retour pour cette troisième et dernière partie d'émission, toujours en présence de Christophe Puiseux, pour son livre Christian Munch, homme de valeur et pilote d'exception. Christophe, oui. Peux-tu nous dire quelle est ton actualité littéraire ou autre? Moi, j'aime bien savoir parce que j'ai une grande qualité, je suis curieuse. Pour moi, ce n'est pas un défaut, c'est une grande qualité d'être curieux. Oh, être curieux, c'est bien. Est-ce que tu as d'autres projets d'écriture, qu'ils soient alors biographie ou roman? Est-ce qu'il y a des choses un petit peu dans les tiroirs? Déjà, je voudrais faire connaître mon Christian Munch. Hein, et merci, mais c'est l'opportunité d'en parler. T'as raison. Et je me suis dit que je pouvais peut-être rééditer mon mémoire de maîtrise, qui est un petit peu vieux, qui concerne la construction de l'hôtel des postes de Nancy et tout l'aménagement du quartier entre cathédrale et place Stanislas et l'installation du téléphone. C'est hyper précis. Bah, c'était hyper précis, mais bon, je vais essayer aussi de mettre de l'iconographie. Tu peux le remettre au goût du jour, remettre un peu d'iconographie. Ah, beaucoup, oui. Dans l'esprit un peu du livre Christian Munch, quelque chose d'assez dynamique, accessible. Alors, je vais essayer, je suis en train de le relire en fait, je suis en train de le reprendre pour que ça soit accessible, ouais. Avec énormément de références et de choses comme ça, des choses très précises sur l'ambiance de ces années-là, parce qu'il y a des querelles très, très amusantes. Et je vais essayer d'éditer ce livre. Alors, je cherche encore un petit peu le titre. Tu viendras nous en parler quand il sera édité? Bah, je vais essayer de faire ça le plus vite possible. Oui, bien sûr, je viendrai, oui. Évidemment. Je viendrai. On est si bien reçus chez Fadjet, il n'y a pas de problème. Quelles sont tes autres passions? Alors, j'ai deux passions. Je fais du tir à l'arc déjà, oui. J'en ai fait en compétition, je suis secrétaire de mon club, donc ça c'est un amour de la précision quelque part, c'est un petit peu d'accord. Pareil. Ça vient en complément de tout ce que tu fais à côté? Oui, évidemment, j'ai des journées de 72 heures. Oui, voilà. Et puis sinon, j'ai une très très très grande passion pour le train miniature. D'accord. Donc j'ai un site internet, une chaîne YouTube et je fais ça... La précision, toujours. Toujours la précision. J'ai presque 5000 abonnés. Je fais des vidéos. Alors tiens, où est-ce qu'on peut retrouver alors tout ça? Alors j'ai une chaîne YouTube qui s'appelle le réseau de PSX. Ok. Et PSX, en fait, c'est mon nom de famille moins les voyelles. D'accord. Donc puis eux, on retire toutes les voyelles et c'est PSX. Et j'aime beaucoup le nom parce que réseau, c'est mon réseau de train miniature et c'est le réseau des copains. Une nouvelle fois, cet aspect convivialité, amitié, entraide et... J'étais hier à une bourse en Bourgogne où j'ai vu plein de gens qui sont venus me saluer en disant « j'aime bien ce que vous faites ». C'était très bien pour l'ego en fait. Sur les réseaux sociaux, tiens, si après l'écoute de cette émission, on a des auditeurs qui ont envie de te poser des questions, où est-ce qu'on peut te retrouver? Alors, ça dépend du sujet. Si vous voulez me poser des questions sur le train miniature, eh ben, il faut aller soit sur le site, parce qu'il y a une messagerie privée, soit en commentaire des vidéos, parce qu'il y a plus de 150 vidéos quand même. Tu consultes? Tous les jours, et je réponds à tout le monde, c'est très super, important. Très important. Et alors, si vous êtes plus orienté sur l'aviation, il faut savoir que mon petit frère Vincent a donc son site planon.com, et c'est aussi une chaîne YouTube avec des vidéos sur les conférences que j'ai pu faire sur l'histoire de Nancy, l'histoire de l'aviation à Nancy, donc sur le plateau de Malzéville, sur la plaine de Plageol, sur le hangar de Malzéville, sur Marie-Marvin, j'en ai fait une grande sur Marie-Marvin, qui fonctionne plutôt pas mal. Donc, et là, pareil, on peut mettre les commentaires, évidemment. Je répondrai. Très bien. Il n'y a aucun problème. Ton caprice de lecture. C'est toi, je te laisse. Alors, comme si je n'étais pas là. J'ai beaucoup, beaucoup réfléchi, parce que j'ai beaucoup lu, et pour être tout à fait honnête, à un moment, j'ai saturé un peu, parce que quand j'ai passé mes diplômes, c'était jusqu'à 600 pages par jour, donc je devenais un peu dingue. Et je me suis dit, quel livre m'a marqué? Et je me suis rappelé du premier livre que j'ai lu vraiment de manière autonome. C'est-à-dire sans aucune obligation sans l'obligation scolaire, etc. Et c'était un livre que m'avait offert mon grand-père, j'étais très attaché à lui, qui s'appelle, alors le livre a changé de titre, ça s'appelait à l'époque Mémoire des enfants du rail. Ça parle du train, c'est toujours ma passion. Et aujourd'hui le livre a été réédité sous le titre Le rempart de la miséricorde d'Henri Vincenot. D'accord. Qui est un auteur bourguignon, un peu régionaliste. Et finalement, je me suis dit, c'est le premier livre que j'ai vraiment voulu lire, parce que je l'ai toujours. Hein, mon grand-père m'avait fait une dédicace à l'intérieur, il m'a dit, je l'ai choisi, je l'ai lu, on va en parler ensemble. Et quelque part, voilà, c'est mon vrai premier livre que ce j'ai lu vraiment. Ce serait ça qui t'aurait mis le pied à l'étrier à ta passion du train, ou tu l'as depuis toujours ? Non, c'était avant. La passion du train, c'était avant, okay. Et il avait choisi ça, justement, parce qu'il voulait absolument me faire lire. Parce que pour être tout à fait honnête avec toi, j'étais un petit peu estampillé dyslexique, et j'ai eu beaucoup de difficultés à écrire en français. À l'époque, c'était pas pris en compte, comme peut-être aujourd'hui aussi, c'était donc, différent. Lui, il me faisait faire des exercices d'écriture, de grammaire, d'étiquetés, machin. Super grand-père, très impliqué. Très impliqué, il voulait absolument que je lise, il cherchait un sujet qui me donnerait l'appétence, en fait, et il m'a dit voilà, lis ça et puis on en parlera ensemble. Eh ben super, merci beaucoup Christophe, j'étais ravie de te recevoir dans les studios de Fadjet pour ce caprice de lecture où tu nous as fait voyager et apprendre plein de choses. Donc je rappelle le titre du livre, Christian Munch, homme de valeur et d'exception, que tu as coécrit avec ton frère, oui, Vincent, et avec la collaboration de Dominique Lorenz. Merci à toi, on se retrouve très vite. Donc pour le premier livre qui aurait dû être le deuxième. Voilà, c'était une autre petite facette. Et puis on se dit à très bientôt. Au revoir Christophe. Avec plaisir, merci beaucoup Sarah.